jazz avec un pianiste espagnol. Il s'agit de Tete Montoliu, nous l'avons déjà écouté ici. Montoliu est né à Barcelone en 1933 et est décédé en 1997. Il a une discographie assez importante et je vous propose aujourd'hui un très bel album. Il en a fait plusieurs, mais celui-ci est avec son compère contrebassiste, c'est d'ailleurs probablement un des plus beaux duos piano-contrebasse qui n'ait jamais existé. Il s'agit évidemment de Nils Henning Ørsted Petersen, le fameux NHOP, avec lequel d'ailleurs Montoliu a fait plusieurs albums. Tous chez Steeplechase d'ailleurs, excellent label nordique. Et je vous propose donc un de ses disques qui s'appelle Face to Face et un morceau très connu qui s'appelle I Fall in Love Too Easily. Donc je vous laisse écouter, on en parle juste un tout petit peu après. Thank you. morceau, il s'agit donc de I Fall in Love Too Easily, morceau écrit en 1944 par Jules Stein et dont les paroles étaient de Sammy Cahn, car au départ ce morceau était chanté, donc il faisait partie de la bande sonore d'un film appelé Encore the Wait et qui était interprété dans le film par Frank Sinatra. Ce morceau a été repris plus tard également par Anita O'Day ou Chet Baker dans l'album My Funny Valentine. Un beau morceau qui a été joué également par Miles Davis, Bill Evans, etc. Voilà, en tout cas, cette version est quand même vraiment magique. Hein. Ce duo NHOP Montoliu fonctionne pour moi à merveille. C'est quand même très, très beau. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.